comme en 2012, frère, j'ai la patate. La même rage, pourtant, ouais, tout ça, ça date. Et je m'adapte. J'suis au check, ouais, que ça va blatte. Veulent m'abattre, mais j'ai mes points, mes couverts. Ils m'ont même pas laissé le temps de dire ce que j'avais sur le cœur. Ouais, dans ma zone, c'est dingue, y'a des émetteurs. Ici, ça peut te tanker pour prendre ton gros moteur. Ouais, ici, les petits sont teintés, elles sont pas riches, ton merde. Dans le gun, je veux faire des meudes. Là, j'suis en colère. Puis 2012, j'envoie des scuds. J'vois même plus mon père. Mon quartier, ouais, c'est mon bled. En chaussette, claquette. Ils voudraient que j'arrête de traîner là où j'ai grandi, mais j'suis calé. Je ne veux pas partir, j'suis trop carré. J'ai un avenir à bâtir, j'ai 27 balais. Des petits salos me salir, j'allais faire détaler. Andaler, la chatte est mécanique. Je m'emballais, je compte bien t'emballer. Je serai plus dans les parages, les jaloux font des paris sur moi. Font des paris sur moi, à savoir si je vais tenir. Si je coulis sous ailleurs, si marche, continue à me soutenir. Tu fais plus de dealers, tu dis plus Buenos Dias. Le profiteur gentillesse, faut lui dire adios. Comme en 2012, frère, j'ai la patate. La même rage, et pourtant, ouais, tout ça, ça date. Et je m'adapte, je suis au check, ouais, que ça blablate. Veulent m'abattre, mais j'ai mes points, mes cousins, et m'abattent. Je suis dans la voiture à Batman. Je suis dans la voiture à Batman. J'suis dans la voiture à Batman, tu veux ma Batman, j'te veux même pas de mal. J'suis dans la voiture à Batman. J'suis dans la voiture à Batman, Batman. J'suis dans la voiture à Batman, toi tu veux ma Batman, moi j'te veux même pas de mal. J'suis peut-être riche, mais j'veux pas la guerre. N'oubliez pas les gars, je ne suis qu'un rappeur. Je connais des gens à terre qui par amour te niquent ta mère. Te niquent ta vie, te niquent tes morts, on fait divers dans les affaires. Pour ça, on t'a gardé la force, ils vont pas nous la faire. Au studio y'a des boulettes de shit, des imposés par terre. Faire de mon parcours, tu vois l'inspire, j'suis pas à court. Tu veux rentrer dans la cour, mais je vois que t'as les nageoires courtes. Ça a parlé sur moi, t'as la boco, vas-y coupe court. En cas d'embrouille, demande au secteur, on te sort le coupe-coupe. Tu es dans des histoires, la criminelle gâte à la loupe. Tu dis que c'est chaud, tu es parano, même quand ça te jette à la ligne. Je veux pas mélanger, je sais pas, je suis pas chaud. Ils veulent choper, je les connais pas. Dis-leur que pas, je suis pas chaud. J'ai fait des tris dans la vie, ouais poto c'est mon choix. J'ai fait des tris dans la vie, ouais poto c'est mon choix. J'ai fait des tris dans la vie, ouais poto c'est mon choix. Comme en 2012, frère, j'ai la patate. La même rage, et pourtant, ouais, tout ça, ça date. Et je m'adapte. J'suis au check, ouais, que ça blablate. Veulent m'abattre, mais j'ai mes points, mes cousins, et m'abattent. J'suis dans la voiture à Batman. J'suis dans la voiture à Batman. J'suis dans la voiture à Batman. Tu veux ma Batman, j'te veux même pas de mal. J'suis dans la voiture à Batman. J'suis dans la voiture à Batman, Batman. J'suis dans la voiture à Batman. Toi, tu veux ma Batman. Moi, j'te veux même pas de mal, pas de mal. Comme en 2012, frère, j'ai la patate. La même rage, et pourtant, ouais, tout ça, ça date. Et je m'adapte. J'suis au check, ouais, que ça va blatte. Veulent m'abattre, mais j'ai mes points, mes cousins, et m'abattre. J'suis dans la voiture à Batman. J'suis dans la voiture à Batman. J'suis dans la voiture à Batman. Tu veux ma Batman, j'te veux même pas de mal. J'suis dans la voiture à Batman. J'suis dans la voiture à Batman, Batman. J'suis dans la voiture à Batman. Toi, tu veux ma Batman. Moi, j'te veux même pas de mal, pas de mal.